Le passeport vers la liberté? Point d'interrogation. Voilà la question que je pose dans le cadre de cet enregistrement auquel je vais tenter de répondre dans les prochaines minutes et que je vous pose également. Est-ce que le passeport sanitaire qu'on veut implanter massivement dans les sociétés occidentales, que ce soit en France, au Québec, qu'on tend même à imposer une partie de la population? Si on pense à l'obligation vaccinale que Emmanuel Macron veut mettre en place pour le personnel soignant en France et le fait que les gens aient besoin là, d'un pass sanitaire pour entrer dans différents lieux publics, bars, cinémas, restaurants. Et en France, on parle même de l'hôpital, alors qu'au Québec, on nous annonce l'imposition là, du passeport sanitaire plutôt que pour des services non essentiels pour l'instant. Mais c'est sûr que peut-être que ça va changer un petit peu plus tard et on va suivre le modèle français. Mais tout ça pour vous dire, à savoir, est-ce que le passeport sanitaire, c'est quelque chose qui va favoriser la liberté des gens? Donc voilà la question que je pose. Avant d'y répondre, ben je peux vous mentionner que récemment, j'étais devant mon ordinateur et puis ça a émergé en moi. J'ai eu l'impulsion d'écrire mon positionnement par rapport à la crise sanitaire, puis tout était clair, tout était simple. J'ai écrit un petit texte, puis j'ai l'intention de vous le lire dans les prochaines minutes, qui vous fait voir clairement, à travers... qu'est-ce qui a émergé en moi? Le texte, en fait, c'est vraiment là, écrit tout seul. Là, ça a été spontané par rapport à tout ça. Donc, je vous le partage. Ce que je dis, c'est que... ça, j'ai partagé ça sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça. Je ne m'attendais pas à avoir autant de j'aime là, par rapport à ce petit écrit. Donc, ce que j'ai écrit, c'est que je suis pour le libre choix en matière de port du masque dans les lieux publics et la vaccination. Plus particulièrement, la vaccination m'apparaît comme une décision qui doit être prise individuellement et librement consentie plutôt que sous la menace de perdre des droits élémentaires en société démocratique. Donc, là, j'arrête là. Je vais commenter un peu. C'est que pour moi, un peu comme aux États-Unis, si on prend des États comme la Floride ou le Texas, les gens ne sont pas obligés de porter le masque, surtout pendant l'été. Donc, moi, je suis pour la liberté. Donc, si la personne veut porter le masque, elle porte le masque. Si elle ne veut pas porter le masque, elle n'en porte pas. Surtout dans une période où le virus ne circule pas ou peu. Et c'est la même chose pour la vaccination. Parce que si, par exemple, on regarde qu'est-ce qui se passe en France, Emmanuel Macron récemment a déclaré dans un discours à la population, donc ce dirigeant français, que si les membres du personnel soignant n'étaient pas vaccinés, il leur donne un délai, là, d'ici le milieu du mois de septembre, eh bien, ces gens-là allaient perdre leur travail. Donc, comment, dans un contexte pareil, une personne peut donner un consentement libre et éclairé pour que la vaccination soit un choix individuel librement consenti si on menace la personne de perdre son travail? Donc, voyez-vous ici que, à quelque part, c'est une forme de chantage qui va interférer sur la volonté individuelle. Et c'est sûr qu'en relation avec ça, ce que je peux mentionner, c'est que, à quelque part, c'est une forme d'autorité qui, dans le fond, dicte la conduite à l'individu. C'est sûr qu'il y a quelques mois, lorsque je parlais par rapport à la situation actuelle, qu'on était dans une dictature sanitaire avec le couvre-feu, avec les différentes mesures imposées, comme le port du masque obligatoire, etc., bon, il y a certaines personnes qui trouvaient que j'exagérais. Même chose pour les lanceurs d'alerte qui, à peu près un an, là, avaient annoncé là, qu'il y allait avoir l'introduction du passeport sanitaire, qu'on va vouloir implanter ça. Il y Il y a des gens qui disaient, ben c'est de la science-fiction, cette mesure-là. C'est vous écoutez trop de films de science-fiction, c'est du délire paranoïaque. Vous êtes complotiste de penser ainsi qu'on va chercher à contrôler la population en implantant un pass sanitaire. Mais présentement, c'est en train là, de se concrétiser. Et c'est sûr que dans une société démocratique, la personne peut librement, la façon que je la conçois, consentir ou non à un traitement médical. Donc, le vaccin étant un traitement médical, donc d'imposer ça à des gens, c'est un petit peu comme si on imposerait donc différents traitements médicaux à des gens, puis on ferait des menaces ou des chantages, tu sais... Moi, je trouve que c'est une aberration, puis ça ne respecte pas les libertés individuelles. Donc, ça me fait penser à une mesure plus de nature communiste. Et ça ne fera pas fleurir l'individualité si on lui impose un paquet de contraintes. Puis aussi, il faut les justifier, ces contraintes-là. Chose qui n'est pas claire là, présentement. Donc, en fait, ce que je voulais rajouter pour répondre à la question de base de mon enregistrement, est-ce que le passeport sanitaire va, dans le fond, amener plus de liberté? Est-ce que c'est un passeport vers la liberté? Parce qu'ici au Québec, on nous a dit il y a environ un an, au moment où je vous parle, nous sommes en plein mois de juillet, que le port du masque obligatoire qui a été introduit au cœur de l'été alors que le virus circulait pratiquement pas l'année passée, en 2020, que c'était le port du masque obligatoire, notre nouvelle liberté qui va nous permettre d'entrer dans des commerces. Et puis c'est grâce au port du masque qu'on va diminuer le nombre de cas, puis ça va amener, dans le fond, à améliorer la situation. Or, Le port du masque a été introduit, puis à l'automne, le nombre de cas là, en lien avec le coronavirus ont repris. Il y a eu des fermetures de commerces. On a empêché même des commerces de vendre des produits non essentiels au Québec, comme par exemple un manteau d'hiver. Ben oui, des vêtements. Ben oui, on a dit « Ah, ben, vendre des vêtements, c'est pas essentiel. » Ça, c'était pendant le temps des fêtes de l'année passée. Il y a eu toutes sortes d'aberrations qui ont été faites en lien avec ça. Des situations totalement invraisemblables, comme acheter des mitaines, c'était interdit, mais la personne pouvait acheter de la nourriture dans des commerces. Donc, c'est sûr que si la personne n'avait pas acheté des gants d'hiver ou des habits de neige avant la crise, ben c'était problématique. Donc, en tout cas, il s'est passé toutes sortes de choses. Puis finalement, ben Le port du masque, ça n'a pas amené un retour à la normale, l'avant-crise, naturellement. Et j'ai des sérieux doutes que le passeport sanitaire va amener plus de liberté. Donc, je vais lire mon petit texte en lien avec le passeport sanitaire. Ce que je dis, c'est que cette mesure pourrait donner place à des abus d'autorité contre l'individu et créer un dangereux précédent qui va à l'encontre des droits et libertés. L'adoption du pass sanitaire pourrait donner place à une société technocratique comme en Chine, avec le système de crédit social où les déplacements et transactions des gens sont épiés en tout temps par les autorités gouvernementales. Une fois implanté ce système censé être temporaire pour régler la crise sanitaire, pourrait devenir une mesure permanente comme l'impôt à payer sur le revenu, de par le gouvernement là, fédéral ici au Canada. Là. Donc, tout ça pour vous dire que le passeport sanitaire, dans le fond, je m'en méfie et m'y oppose fondamentalement parce que ça peut amener des abus d'autorité du gouvernement. Donc, ça peut amener une forme de dérive autoritaire par différents gouvernements. Et à quelque part, l'idée que les gens soient épiés là, à chaque fois qu'ils entrent dans un commerce en leur demandant là, de présenter le passeport à l'entrée, que ce soit les bars, les restaurants, donc différents services, amène un contrôle de l'individu parce qu'on peut tracer les déplacements des individus. Et ça amène aussi ce qui est très pernicieux, l'idée qui devient normale et naturelle de présenter un passeport, un élément en lien avec notre identité à chaque fois qu'on rentre dans un commerce. Donc, et là, on va pouvoir recueillir plein d'informations sur les déplacements individuels là, en lien avec ça. Ça ouvre la porte naturellement là, à une société de contrôle technologique, un petit peu comme en Chine, où le passeport sanitaire est déjà utilisé, dans le sens que j'écoutais là, il y a plusieurs semaines un reportage où il était question qu'en Chine, pour, par exemple, passer d'une province à l'autre ou de ville, où il faut que la personne présente à partir du téléphone intelligent, donc des informations relatives à elle qui confirment qu'elle n'a pas de coronavirus, puis on la laisse passer d'un endroit à l'autre. Même chose pour entrer dans une boutique. Donc, on est en train, en Occident, de reproduire cette réalité chinoise qu'on veut implanter. Et c'est sûr que c'est très préoccupant là, au niveau de la surveillance des gens là, qu'on peut faire par rapport à ça. Et le passeport sanitaire aussi pourrait être le prélude à l'identité numérique qui serait adoptée et éventuellement l'implantation massive du système du crédit social à la chinoise. Parce que là, ce système-là, où chaque individu a une cote de crédit en relation avec les actions qu'il fait, là, c'est un petit peu comme un système où la personne va être... Ben, en fait, c'est un système où la personne est surveillée 24 heures sur 24 avec des systèmes de reconnaissance de caméras faciales et autres. Donc, la personne est épiée par le gouvernement pour voir si c'est un bon ou un mauvais citoyen. Donc, si la personne passe sur un feu rouge et elle est vue par caméra à agir ainsi, ben, elle perd des points. Et au contraire, si elle fait la délation, elle va gagner des points. Et ce système-là n'est pas de la science-fiction. Il existe présentement. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs années, on parlait de la menace de l'implantation d'un tel système pour contrôler la population en relation à des technologies de fine pointe comme la reconnaissance faciale, le traçage numérique. Et on pouvait passer pour des conspirationnistes, des gens qui vont imaginer des choses là, qui sont fantaisistes, qui sont pas applicables dans la réalité pratique, alors que présentement, concrètement, sur le plan physique, c'est implanté en Chine, puis ça n'a pas l'air de vouloir cesser. C'est quelque chose de concret qui a cours en Chine et qui peut être reproduisable et exportable dans d'autres pays comme la France, le Québec, la Belgique, la Suisse et ainsi de suite. Il faut que les gens réalisent ça. Et une fois que le système de passeport sanitaire qui peut nous être vendu par les forces gouvernementales comme étant une mesure temporaire est implanté, comme ça risque d'amener des dépenses de plusieurs millions de dollars sur l'implantation pour bon, fournir les commerçants des appareils appropriés là, pour détecter le code QR et ainsi de suite. Ben là, qu'est-ce qui risque d'arriver par la suite? Ça risque de devenir une mesure permanente comme l'impôt sur le revenu au Canada, donc qui avait été implanté là, dans le cadre d'une guerre mondiale. Donc, c'est sûr qu'on dit « Ah, ben l'impôt sur le revenu au Canada, c'est temporaire. Hein? » C'était suite à... J'ai pas beaucoup de mémoire, mais on avait présenté cette mesure-là, puis ça, c'est un fait historique ici au Canada, donc l'impôt sur le revenu du gouvernement fédéral comme étant une mesure temporaire, puis finalement, ben ça a resté là. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour le passeport sanitaire. Donc, pour moi, c'est un dangereux précédent de vouloir implanter ça. C'est des atteintes claires aussi aux droits et aux libertés, là, dans le sens que l'information médicale, normalement, c'est une information qui est confidentielle. Or, si la personne se présente à un commerce et elle peut entrer, c'est parce que quelque part, le propriétaire du commerce, donc le commerçant, a accès à une information médicale par rapport au client. Donc, ça va à l'encontre du droit à la confidentialité des informations. Et là, si on demande un passeport vaccinal par rapport au coronavirus, sachez que ça peut être la même chose par rapport à d'autres infections. Ça peut être aussi la grippe saisonnière. Donc, il peut y avoir différents usages qui peuvent être faits donc par rapport à ça. Et ce qu'il faut réaliser que, à quelque part, c'est une réalité qui est à nos pas. Donc, l'implantation du passeport sanitaire, puis elle va s'actualiser si les gens se font massivement vacciner. Et si les gens, dans le fond, consentent à cette réalité et s'y soumettent. Par contre, si les gens n'acceptent pas ça, donc j'écoutais sur Internet un bulletin de nouvelles où il y avait un marché qui, dans le fond, allait exiger le pass sanitaire, puis les gens n'ont pas voulu se présenter au marché. Bien, les commerçants ont reculé, voyant qu'il n'y avait pas personne, puis ils ont laissé les gens entrer là, sans se soumettre là, à cette contrainte-là. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'il y a eu cours. Mais on va voir si les gens vont s'opposer au pass sanitaire ou vont vouloir s'y soumettre. Même chose par rapport à la vaccination. Donc, c'est sûr, c'est une décision personnelle. Comme je le disais tantôt, moi, que la personne, puis je suis en contact dans mon environnement avec des gens qui sont vaccinés. Moi, je suis pas vacciné, je suis pas intéressé à être vacciné. J'ai des sérieux doutes sur, dans le fond, le vaccin qui a été développé, là, elle va vite, là, en lien avec la crise du coronavirus. Donc, un vaccin de nature expérimentale où les études cliniques ne sont pas finies, ne sont pas complétées. Donc, la personne qui se fait injecter la substance du vaccin est une cobaye. Donc, je trouve qu'on manque de recul par rapport à ça. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'aux États-Unis, qui est proche de nous autres, je parle en tant que Québécois, eux autres, la FDA, Food and Drug Administration, qui donne l'autorisation par rapport au vaccin, eux autres ils ont donné une autorisation temporaire par rapport à certains vaccins, comme celui Pfizer, compte tenu de la crise, compte tenu de la menace du coronavirus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté le vaccin. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une distinction entre donner une autorisation temporaire compte tenu de l'urgence sanitaire qu'on nous vend versus d'avoir évalué le produit puis statuer dessus. D'ailleurs, il y a une fiche technique que vous pouvez retrouver là, sur Internet là, en lien avec le site de la FDA que j'ai lu et qui indique qu'ils ne connaissent pas les effets, dans l'ensemble des effets liés au vaccin et qui ne connaissent pas non plus la durée de son efficacité. C'est quand même des informations importantes. Hein? Tu sais pas c'est quoi les effets d'un produit sur la santé. Ben là, puis ils l'admettent parce qu'à un moment donné, s'ils font pas ça, ils peuvent être blâmés aussi, tu sais, si on découvre que ça amène beaucoup de problèmes de santé ou autre. Ça, c'est un volet, en passant, la vaccination. Même chose pour le port du masque. Mais pour moi, dans toute cette histoire en lien avec la crise du coronavirus qui s'étire depuis plusieurs mois, ce que je vois en réalité... c'est l'avènement d'une société, dans le fond, réinitialisée. On va parler ici du Grand Reset, où la société est reformatée et reprogrammée avec une ingénierie sociale sophistiquée pour amener l'adoption de l'identité numérique pour chaque citoyen terrestre, pour que chacun, 24 heures sur 24, soit traçable avec un mouchard en eux, c'est-à-dire... dans le fond, le code QR ou une puce sous-cutanée, éventuellement. Donc, que chaque citoyen soit traçable. On puisse savoir en temps réel, bon, tel citoyen est à tel endroit, il est-tu au cinéma, il est-tu à tel endroit? Parce que là, l'idée derrière ça, moi, de la façon que je vois ça, c'est d'amener un espèce de passeport dans tous les lieux imaginables. Là. Donc, ici au Québec, on cherche... à implanter la mesure, sachant qu'il allait avoir des résistances de la population. On dit pour l'instant que par rapport au pass sanitaire, comme le disent les Français, nous autres on dit le passeport ici, eh bien, c'est juste, on parle de l'implantation à l'automne, comme disait Christian Dubé, c'est juste au cas où il y aurait une augmentation de cas à l'automne de gens atteints du coronavirus. Et c'est juste pour les services non essentiels. comme par exemple le cinéma. Donc, c'est pas les services essentiels comme l'hôpital, mais moi, la prédiction que je fais, c'est que j'ai l'impression que, comme à chaque automne, à chaque fois que la température se refroidit, depuis des années, on a tout le temps des cas de gens qui sont atteints de la grippe et qui manifestent des symptômes grippaux, qui sont les mêmes en passant que les gens qu'on dit atteints du coronavirus. Donc, c'est facile de confondre les deux. Les deux peuvent, dans le fond, avoir de la fièvre, des douleurs musculaires, tousser. Donc, les symptômes grippaux et le coronavirus, ça revient au même. Donc, moi, j'ai l'impression, ce qui risque d'arriver à l'automne, comme à chaque année, c'est qu'il va y avoir une augmentation de gens qui ont des symptômes grippaux. On va interpréter ça comme des gens, dans certains cas, qui sont atteints du coronavirus. Et par la suite, ben au mois de janvier ou février, comme à chaque année, depuis plus de 10 ans, probablement que les urgences vont déborder au Québec. Donc, ça, c'est à chaque année, ça fait au-dessus de 10 ans qu'à chaque hiver, les médias dépeignent la situation comme étant catastrophique, comme étant une horreur, puis bon, ils font bien de dénoncer la situation, mais à chaque année, la gestion gouvernementale du réseau de la santé ne s'améliore pas, puis ça va être probablement la même chose pour 2022. Fait que moi, je vous prédis pas là qu'il va y avoir des manifestations d'extraterrestres dans le ciel, je vous prédis pas non plus de l'apparition de la Sainte Vierge, mais je vous annonce que probablement, comme à chaque année, il va y avoir ça. Puis qu'est-ce qui risque d'arriver au mois de janvier puis février, si les urgences sont pleines, ben comme à chaque année, ben là, on va dire, ben finalement, compte tenu que de nombreux de cas et le nombre de cas diminue pas, ben on va être obligé d'amener l'imposition du pass sanitaire en plus des services non essentiels à ceux essentiels, comme en France. Donc, la réalité que les gens au Québec regardent par rapport à la France qu'on cherche à implanter, probablement que ça va être la même chose nous autres qui nous entendent, mais peut-être à quelques semaines ou quelques mois de décalage au Québec, là. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça les enjeux présents. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont opposés à ça, ben c'est maintenant qu'il faut agir. C'est pas quand que ça va être implanté parce que une fois que c'est fait, c'est très difficile de revenir en arrière. Comme par exemple, il y a eu l'implantation, par exemple, du passeport aux États-Unis suite aux attentats du 11 septembre. Donc, à cause de la menace terroriste, ben les citoyens canadiens, au lieu de présenter un permis de conduire ou la carte d'assurance maladie pour se déplacer en voiture aux États-Unis, ben ça prend un passeport. Donc, le gouvernement américain exige ça, un passeport en méditerranée pour se déplacer là par les voies physiques là pour se rendre aux États-Unis comme en voiture. Et inquiétez-vous pas que le gouvernement américain, la façon que ça aligne les choses, ils reviendront pas en arrière. Et ça risque d'être la même chose, naturellement, pour le passeport sanitaire. Donc, moi, c'est sûr qu'il m'apparaît évident que c'est une menace flagrante aux libertés démocratiques et que, à quelque part, ça peut amener plusieurs abus d'autorité. Et ça pourrait être le prélude à des mesures concertées d'un pays à l'autre pour mettre en place une grande réinitialisation mondiale sous l'égide de mondialistes qui auraient intérêt à, dans le fond, rendre le passeport sanitaire universel à la surface de la Terre pour amener un contrôle accru au niveau informationnel des profils des différents individus qui, par exemple, circulent d'un pays à l'autre. Donc, c'est sûr que c'est ce que je vois par rapport à tout ça. Et que même si demain matin, ou dans quelques mois, en fait, une fois implanté le passeport sanitaire, il y aurait la fin de la crise, puis le nombre de cas diminuerait. Probablement que le passeport sanitaire, une fois implanté comme système, resterait dans le sens que le gouvernement pourrait dire, ben écoutez, donc là, il n'y a plus de cas de coronavirus, du COVID-2, du SRAS-2, en fait. Mais au cas où l'année prochaine, il y a un variant, après le variant, il y a le variant Delta, il y a le variant Lambda, puis si c'est le variant Lambda, Donc, le nom de la danse, on ne sait plus comment les appeler, hein, parce qu'il y a toutes sortes de variants qui apparaissent. Puis le gouvernement, s'il ne sait pas trop sur quel pied danser pour justifier le maintien de la possibilité d'un passeport, ben, on peut dire, ah ben là, s'il y a un autre variant qui apparaît pour la saison grippale de l'autre année, ben, on va garder ça. Ou la grippe saisonnière aussi. Le passe sanitaire pourrait être utilisé dans le cadre de la grippe là, qui revient à chaque année. C'est cette grippe qui n'est plus évaluée au Québec là, depuis le mois de mars 2020. Ça pourrait être utilisé pour ça ou pour d'autres fonctions. On se dirige vers ça. J'espère que les gens vous le réalisez. Moi, concrètement, en lien avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Ben, présentement, je m'exprime au micro. C'est sûr qu'il y a quelques jours, j'ai dit, bon, je vais arrêter de m'exprimer là, par rapport à la crise pour me concentrer plus sur des études supramentales, mais finalement, j'ai été mis en vibration pour m'exprimer là-dessus, puis tout m'apparaît clair sur mon positionnement, puis bon, je profite de ma liberté d'expression pendant que j'en ai encore. À quelque part, ben, je m'exprime sur le sujet parce que ça va avoir beaucoup d'impact social si c'est implanté le pass sanitaire. Et puis, en tant qu'être humain, ben, je dois me prononcer sur les affaires de la Terre, naturellement. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, concrètement, présentement, je suis pas vacciné puis j'ai pas l'intention de me faire vacciner. C'est pas parce qu'on me menace que « Ah, ben tu pourras pas aller au cinéma, tu pourras pas aller au restaurant là à partir du mois de septembre ici au Québec, là, pour les services non essentiels si t'es pas vacciné. » Ça, c'est le chantage qu'on veut nous faire. On veut nous sortir l'épouvantail de la menace d'une forme d'exclusion sociale là, liée au fait qu'on n'est pas vacciné de certaines activités sociales pour nous amener à être vaccinés. Et je résiste à cela. Je vois de ça une tentative très claire de manipulation et je vois les dérives liées à ça, comme par exemple l'apartheid sanitaire, la ségrégation sanitaire. Il faut avoir un recul historique il faut avoir un minimum de compréhension de l'histoire de l'humanité pour voir que à chaque fois qu'il y a eu de la ségrégation, ça a tout le temps mal tombé, ça a tout le temps mal tourné. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le sud des États-Unis, la ségrégation entre les Noirs puis les Blancs. Donc, les Blancs pouvaient aller à des restaurants. C'était marqué « Blancs seulement » dans le sud des États-Unis parce qu'eux autres, ils ont connu l'esclavage, les Noirs là-bas, travaillaient dans des champs de coton, faisaient de l'agriculture, etc. Ben, ça a donné place naturellement à des émeutes. Bon, il y a eu des manifestations contre le racisme pacifique avec Martin Luther King, mais il y a aussi les Black Panthers, il y a eu différents mouvements d'émancipation des Noirs. Donc ça a créé des tensions sociales très grandes et la société américaine en a payé le coup, naturellement. Donc ça a mal tourné. Ensuite, pour ce qui est de l'Allemagne nazie, Donc, il y avait une ségrégation entre les Juifs et les non-Juifs. Et aujourd'hui, on veut faire quoi? Une ségrégation entre les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, c'est un petit peu le même principe. Il y a deux classes de citoyens. C'est comme un système de caste, un peu comme en Inde. Donc, dans l'Allemagne nazie, les gens qui étaient Juifs pouvaient pas aller dans des restaurants. Il y avait certains lieux publics, le cinéma. Et curieusement, aujourd'hui, les non-vaccinés qui deviennent la bête noire de la société en leur disant que c'est eux autres qui vont propager le coronavirus, etc., sont porteurs de maladies. On cherche à les diaboliser comme autrefois on cherchait à diaboliser les Juifs. Ben, c'est un scénario un petit peu analogue. Et là, ça peut donner place à des situations de racisme sanitaire. Donc, quelqu'un va dire à l'autre... la personne qui est vaccinée va avoir du mépris pour celle qui n'est pas vaccinée, elle va l'accuser de tous les torts, que c'est de sa faute s'il y a de la propagation de cas de coronavirus, c'est de sa faute si ça va mal dans le monde, et ainsi de suite. Donc, ça mène une population divisée, puis il faut réaliser que diviser pour régner. Donc, si la population est divisée, ben ça peut justifier l'implantation de mesures de contrôle plus grandes pour diminuer des tensions sociales. Donc, pour diminuer, par exemple, des émeutes, comme on l'a vu aux États-Unis, il peut y avoir un couvre-feu qui est mis en place. Donc, il y avait eu des émeutes en lien avec des gens qui s'opposaient au racisme envers les Noirs. Et dans certaines villes où ça a quand même brassé, des commerces ont été, dans le fond, incendiés, ben, il y avait eu, à un moment donné, un couvre-feu. Donc, puis là, ça peut justifier d'autres mesures plus autoritaires. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'en tant qu'individu, on est manipulé. Puis là, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir une masse critique de gens vaccinés qui ont adopté le passeport sanitaire, ça va être très difficile de revenir en arrière. Donc, c'est la raison pour laquelle, présentement, je ne suis pas vacciné. Comme je le dis, je n'ai pas intention de me faire vacciner. Sinon, en termes de discrimination, ben, historique, avant que j'oublie, il y avait celle-là aussi par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'autrefois, les femmes, ben, en Occident, vous le savez, hein, les femmes ne pouvaient pas aller faire des cours à l'université. Les femmes, dans le fond, au Québec, là, pouvaient pas être propriétaires, là, d'une maison. Les femmes, fallait qu'elles restent au foyer, pouvaient pas travailler. Y avait les femmes, il y avait de la pression pour avoir des enfants chaque année au Québec. Il y a une très grande pression sociale, un très grand contrôle. Les femmes pouvaient pas rentrer dans les tavernes. Il y avait beaucoup de choses. T'sais, il y avait une ségrégation qui était faite contre les femmes, puis on sait très bien que ça a mal tourné. Donc, que ce soit par rapport aux femmes, par rapport aux Noirs, par rapport aux Juifs, sur le plan historique, à chaque fois que des sociétés ont mis en place des mesures de ségrégation sociale, ça a toujours amené des abus d'autorité. Et ma conviction fondamentale, c'est que si il y a la mise en place en Occident, que ce soit au Québec, en France ou dans d'autres pays, du passe sanitaire, automatiquement, il va y avoir des abus d'autorité en lien avec ça. Donc, et ça va amener une société à deux classes. Donc, ça va amener du dérapage. Pour moi, c'est pas intelligent. Ça va pas dans le sens de l'épanouissement individuel, du respect de ses droits et libertés fondamentales. Donc, c'est involutif comme comportement. C'est un comportement qui est lié à la peur puis au désir de contrôle, parce que les gens ont peur. Donc, plus que les gens ont peur, plus qu'ils cherchent à contrôler leur environnement. Mais en agissant ainsi, ils peuvent, dans le fond, forcer des gens à se soumettre à différentes règles puis à différentes mesures qui vont déboucher sur de l'abus d'autorité. Donc, c'est une menace, très grande par rapport aux libertés, démocratiques. Et c'est sûr que la façon que le scénario que je vois pour l'OTAN, là, en passant, c'est un peu comme pour ce qui se passe présentement en Israël. Israël, qui est un pays qui a signé une entente avec la compagnie pharmaceutique Pfizer, où le nombre de cas de gens vaccinés donc est très grand, là. Vacciner deux doses, là, c'est des pionniers mondiaux par rapport à la vaccination. Pourtant, au moment où je vous parle, donc, au mois de juillet 2021, il y a une reprise du nombre de cas. Fait que là, l'idée que être vacciné deux doses, c'est la solution qui va nous donner la liberté par la suite et que ça va être la sortie de crise, la vaccination, c'est pas vrai en fonction de ce que je vois par rapport à qu'est-ce qui se passe en Israël où les gens continuent d'être testés, puis ils ont été massivement vaccinés deux doses, puis il y a une recrudescence du nombre de cas. Fait que là, essayez pas de nous vendre que c'est la solution. Puis là, je lisais un article récemment qui expliquait qu'Israël, il va avoir une troisième dose qui va être amenée là, à la population, là. Donc, on se dirige vers un agenda où il va y avoir plusieurs doses. Probablement que la vaccination, on cherche à l'amener à chaque année, un peu comme la vaccination grippale qu'on cherche depuis plusieurs décennies à implanter en Occident là, à chaque année. Pour que, à quelque part, dans le fond, les gens deviennent des clients récurrents de l'industrie pharmaceutique à leur plus grand bénéfice. Naturellement, ils peuvent empocher des profits de milliards. Fait que pourquoi, dans le fond, limiter à deux doses quelqu'un alors que si t'en fais un client régulier, puis la personne a vécu jusqu'à 80 ans, puis bon, à chaque année, a tout le temps une ou plusieurs doses, ben tu fais beaucoup plus d'argent en fidélisant ta clientèle. C'est comme un peu comme un restaurant. Ça prend pas un doctorat en économie pour comprendre que si ton client il va juste deux fois à ton restaurant, alors que s'il va régulièrement, tu empoches plus d'argent, là. Donc, un volet économique qui peut être pernicieux, qui peut mettre de la pression par rapport du gain sur les gouvernements. Donc, il peut y avoir un lobby pharmaceutique qui peut mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait une vaccination récurrente de la population au nom de la menace des variants. Puis là, on va utiliser toutes les lettres de l'alphabet, l'alpha, le bêta, le gamma, le delta. on peut en créer des. Ben, on peut en créer. En fait, les variants se créent tout seuls. On n'a même pas besoin de faire d'efforts. Et moi, je vois qu'on peut s'enliser dans une espèce de vaccination perpétuelle, un peu comme dans des sables mouvants là, dans les prochaines années, si on adhère au scénario vaccinal. Et que, à quelque part, moi, je suis curieux de voir aussi, je discute avec des gens de mon environnement, puis bon, il y a certaines personnes qui disent, bon, l'histoire de la vaccination deux doses, il y a des gens qui me disent, ben, j'adhère à ça, mais la minute qu'on va me parler d'une troisième dose, non, là, je vais décrocher du scénario, parce que je vais voir que en faisant ça, on veut faire de moi un client régulier de l'industrie pharmaceutique, il y a Anguille Souroche, là. Fait que, on va voir comment que ces gens-là vont réagir, puis s'ils vont pouvoir réagir, dans le sens que si massivement les gens sont vaccinés deux doses et le code QR, c'est-à-dire le passe vaccinal où les gens sont scannés à chaque entrée de commerce, devient quelque chose qui, dans le fond, a une grande acceptabilité sociale, donc presque l'ensemble de la population accepte cela. Ben, est-ce que les gens vont pouvoir revenir en arrière? Parce que peut-être qu'on va leur faire du chantage en disant, ben écoutez, si vous voulez que votre code de QR soit renouvelé, vous devez être vacciné à chaque année. Si vous ne l'êtes pas, votre code QR est désactivé et vous ne pourrez pas rentrer de nouveau dans le commerce, un petit peu comme, par exemple, le paiement à un abonnement à une salle d'entraînement. Donc, moi, si je suis abonné à une salle puis j'ai une carte magnétique pour rentrer au gym, la salle d'entraînement, bon, ben le jour où j'ai pas renouvelé mon abonnement à la salle d'entraînement, je ne peux plus rentrer. Ma carte est désactivée, n'est plus fonctionnelle. Puis pour la faire réactiver, il faut que je renouvelle mon abonnement annuel, advenant que c'est un abonnement annuel, pour y avoir accès. Fait que ça risque d'être le même principe qui est utilisé avec le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois vacciné de nouveau, sinon tu peux pas rentrer dans les commerces, dans la société. Donc, on risque de faire ce type de chantage-là avec la population, et la vaccination qui était présentée comme une porte de sortie ne le sera pas, mais sera plutôt un enlisement perpétuel dans l'esclavage à la vaccination, donc se soumettre perpétuellement à la vaccination d'année en année pour renouveler le droit d'accès à des commerces. Donc ça, c'est un scénario possible. Là, aujourd'hui, je jongle avec des scénarios, je me permets de le faire pour vous illustrer toutes les dérives qui peuvent découler, là, c'est sûr, du pass sanitaire. Donc, c'est sûr que les aberrations les plus évidentes en lien avec ça, c'est naturellement tout ce qui est... il risque d'avoir des pertes d'emploi. Hein. Si la personne travaille dans le milieu médical, elle n'est pas vaccinée, ben, elle ne pourra pas rentrer sur son lieu de travail. Même chose pour d'autres industries. Si la personne travaille au cinéma et n'est pas vaccinée, puis on demande un pass sanitaire à l'entrée, ben quelque part, ça risque de nuire à son employabilité, comme on dit. Mais tout ça pour vous dire que le scénario de contrôle qui se dessine, on m'en avait parlé en passant, on m'avait pas parlé de la crise du coronavirus, mais l'idée que chaque citoyen avait une identité numérique, dans le début des années 2000, on me parlait de l'implantation d'une puce sous la peau par rapport à ça, toutes les informations se rapportant à un citoyen, dont sa situation médicale, son état financier, donc ses crédits, on en viendrait là. Donc ça fait longtemps que cette idée-là, j'y ai été exposé. En fait, ça fait à peu près 20 ans, là, suite aux attentats du 11 septembre, je me suis intéressé à différents livres. Il y avait le livre jaune numéro 5, les livres de David Icke, et je me rappelle à l'époque que je discutais de tout ça avec des gens, puis j'en parlais avec d'autres, puis bon, les gens il y a à peu près 20 ans me disaient « Bon, j'ai des scénarios fantaisistes, l'histoire de la société de contrôle avec la technologie, puis que, à quelque part, ces choses-là, ça arrivera pas, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis en train de voir l'utopie ou la dystopie, devrais-je dire, le contraire d'une utopie, c'est pas beau, c'est une société de contrôle. C'est sur le point de s'actualiser. Fait que là, dans le fond, pour répondre à ma question de base au début de l'enregistrement, puis je vais conclure là-dessus dans les prochaines minutes, à savoir, est-ce que le pass sanitaire, c'est un passeport pour la liberté? La réponse, à mon avis, c'est non. Ça, c'est ma réponse. Vous regarderez c'est quoi votre réponse. Et un peu comme pour l'histoire du port du masque, que s'il passe pour la liberté, ben la réponse, c'est non, parce que Dans le fond, là, après l'implantation du port du masque obligatoire dans les lieux intérieurs au Québec, ben le gouvernement Arruda l'année passée a dit, ben là, lorsque vous allez être vacciné, vous serez libre. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que lorsque vous serez vacciné, vous serez pas plus libre. Parce que vous êtes obligé de renouveler la vaccination à chaque année, puis il va y avoir tout le temps des nouveaux variants qui vont apparaître. Parce que le virus mute. Puis ça, c'est pas une réalité nouvelle. C'est comme la grippe saisonnière. Puis la raison pour laquelle les gens, chaque année, peuvent se faire vacciner pour la grippe, c'est précisément par rapport au fait que le virus mute. Parce que sans ça, les gens seraient vaccinés juste une fois par rapport à la grippe, puis ça serait fini. Il n'y aurait pas un renouvellement de la vaccination à chaque année là, pour s'en prémunir. Donc, pour moi, c'est le même principe. On cherche à nous engager dans un engrenage sans fin de vaccination perpétuelle et de contrôle social derrière ça. Donc, voilà ce que je dis. Puis, concrètement, depuis le début de la crise, par rapport aux abus des droits et libertés qui sont faits, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai, dans le fond, participé à deux manifestations. J'ai envoyé de l'argent à des lanceurs d'alerte. J'ai signé des pétitions en ligne aussi. Fait que moi, ma conscience par rapport à moi-même est tranquille. C'est-à-dire, je me pose à la crise, puis j'ai agi à la gestion de crise, devrais-je dire, et j'ai agi concrètement en conséquence. Fait que ça tourne bien ou ça tourne mal. Moi, j'ai ma satisfaction personnelle d'avoir dit ce que j'ai à dire. J'aurais pas de regrets, j'aurais pas de remords en disant, ah ben, j'aurais dû parler pendant qu'il était le temps, là, avant que ça soit implanté, le pass sanitaire, qui pour moi est beaucoup plus pernicieux que l'histoire du pass, du port du masque intérieur, là. C'est ça. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis très satisfait de l'avoir fait. Puis, dans le fond, j'évite les gens qui ont la vibration d'agir ou de faire quelque chose. C'est la vibration de participer à une manifestation, dans le fond, signer des pétitions en ligne d'opposition, etc. Ben, agissez en conséquence. C'est tout. Soyez congruents envers vous-même. C'est tout simplement ça. Si vous avez la vibration de faire vacciner, c'est correct aussi. Je respecte les gens. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai des doutes par rapport à la vaccination. Moi, la prédiction que je fais, c'est que même si les gens sont vaccinés deux doses au mois de septembre, puis on nous vend ça depuis le départ comme étant la solution de sortie de crise, en tout cas ici au Québec, donc le vaccin sauveur, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est que rendu à l'automne, le nombre de cas va augmenter, comme à chaque année avec la grippe, de gens qui sont malades. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Finalement, on va se ramasser avec une flambée des cas, puis probablement vers le mois de janvier, février, les urgences vont déborder. Vacciné ou pas vacciné, j'ai l'impression que c'est la situation qui se passerait là, de toute façon. On va voir. Si le vaccin deux doses fonctionne, ça veut dire que pendant la saison froide, il n'y aura pas plus de cas de gens atteints de coronavirus. Puis, on va arriver au printemps, vers le mois de mai. Puis, on va passer un très bel hiver. Les hôpitaux déborderont pas de gens atteints de coronavirus. Il n'y aura pas une hausse du nombre de cas à chaque jour. On va voir si ça va s'actualiser comme scénario. Pour l'instant, c'est pas le cas en Israël, avec une population massivement vaccinée deux doses, mais peut-être que ça sera différent pour le Québec ou la France. Moi, je dis aux gens, parce que des gens avec lesquels je suis en contact sont pas vaccinés, je leur dis, écoutez, on verra. Dans le fond, on va voir à travers les faits qu'est-ce qui se passe réellement. Puis dans les sociétés qui sont massivement vaccinées, comme Israël, on va voir comment que les choses vont se dérouler dans les prochains mois. Parce que d'un côté, il y a des lanceurs d'alerte qui disent plus les gens vont être vaccinés, plus que ça va venir la prolifération des variants et plus que, dans le fond, le virus va, dans le fond, en relation avec ça, va se développer sous d'autres formes et on va se ramasser encore avec plein de cas atteints de personnes atteintes de coronavirus. Donc, ça sera pas une solution. Il y en a même qui vont dire que ça en va empirer les choses. Tandis qu'au contraire, les gens qui sont pas vaccinés vont dire que plus que de gens qui sont vaccinés, puis plus qu'on va diminuer la transmission, puis plus qu'on va régler la situation. Fait que là, il y en a un des deux qui a sans doute tort. Et qu'est-ce qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il en est concrètement? Ben, ça va qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois dans les différents pays. Puis on va pouvoir observer ça. Donc, à travers les faits, on va pouvoir, dans le fond, voir concrètement là, qu'est-ce qui se passe. Mais que le vaccin diminue ou non le nombre de cas, dans tous les cas, l'histoire de l'implantation du pass sanitaire m'apparaît comme un abus évident là, d'autorité de la part du gouvernement qui veut contrôler puis surveiller, dans le fond, les citoyens puis les marquer un petit peu comme du bétail là, ou des animaux. De plus en plus, si je pense ici au Québec, les animaux se font implanter des puces sous-cutanées. Comme par exemple des chats. Donc, ça peut être utile, oui, si le chat sort à l'extérieur puis on ne le retrouve pas, ben, le traçage numérique peut servir à ça, mais l'identité numérique, dans le fond, amène les gens à être traçables aussi, puis peut avoir des autorités, des abus d'autorité, comme je le disais. Donc là, je ne répéterai pas, là. J'ai pas mal dit tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.